Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 168. De la modestie dans les mouvements extérieurs du corps. Les mouvements extérieurs du corps sont l'objet d'une vertu, il y a même une vertu qui règle les jeux. Défaut dans l'excès du jeu, autre défaut qui est de ne pas jouer. 1. Les mouvements extérieurs du corps sont-ils l'objet d'une vertu, susceptible d'être réglée par la raison, à laquelle les membres du corps obéissent? Nos mouvements extérieurs peuvent être l'objet d'une vertu morale. Ils doivent, en effet, être réglés selon les bienséances, c'est-à-dire conformément à ce qui convient aux personnes, aux affaires et aux lieux. Note. Les mouvements extérieurs sont l'indice des dispositions de l'âme. La manière de se vêtir, de rire, de marcher, dit l'Esprit Saint, fait connaître un homme. Ecclésiastique 19:17. Saint Ambroise ajoute, les habitudes du corps font découvrir celles de l'âme, le corps est le miroir de l'âme. L'homme qui a une disposition naturelle pour tel genre de mouvement et non pour tel autre, peut suppléer, avec l'aide de la raison, à ce que la nature lui a refusé. La nature donne le mouvement, la raison corrige les défauts. Fin de la note. 2. Les jeux sont-ils l'objet de quelques vertus? On lit dans les conférences des pères que Saint Jean l'Évangéliste, voyant que quelques individus se scandalisaient de ce qu'il jouait avec ses disciples, dit à l'un d'eux qui portait un arc, de le tendre et de tirer une flèche. Celui-ci en tira plusieurs. Saint Jean lui demanda s'il pourrait continuer toujours. Non, répondit cet homme, l'arc se briserait. Il en est ainsi de notre esprit, reprit le bienheureux apôtre. Il se briserait, si on le tendait toujours. L'âme, comme le corps, a besoin de repos, sa puissance d'action n'est pas infinie. Or le repos propre à l'âme, c'est la récréation, seul moyen de délasser l'esprit. Il faut donc parfois faire usage des paroles et des actions qui ont pour but de reposer l'esprit, c'est-à-dire des jeux et des plaisanteries, tout en se gardant des choses inconvenantes, car Cicéron dit très bien, montrons de la modération et une retenue décente dans nos récréations, afin que tout y soit digne du temps, du lieu et des personnes. Il appartient à la raison de régler ces choses, et, comme toute habitude agissant d'après la raison est une vertu morale, il s'ensuit que les jeux sont l'objet d'une vertu, qu'Aristote appelle le trapelli, ou l'amabilité. Cette vertu, réglant l'amour du jeu et nous y préservant de tout excès, est comprise sous la modestie. Note. Selon la remarque de Cicéron, il en doit être du jeu comme du sommeil, que l'on ne prend qu'après avoir accompli les devoirs sérieux de la vie. Fin de la note. 3. L'excès du jeu est-il un péché? L'excès dans le jeu et dans les plaisanteries peut se produire de deux façons, d'abord par la nature même du jeu, qui est trop libre, grossier ou obscène, dès que, par exemple, l'on s'y permet, soit des actions ou des paroles déshonnêtes, soit des plaisanteries nuisibles au prochain. Ensuite par le défaut des circonstances voulues, lorsque l'on manque aux convenances de temps, de lieu et de personne. Quand l'ardeur pour le jeu va jusqu'au mépris de la loi de Dieu ou de l'Église, le péché est mortel, autrement il n'est que véniel. Note. Nécessaire à la conservation de la vie humaine, le jeu peut être l'objet d'un art ou d'un état. Aussi la profession des acteurs et des actrices, histrionome, qui a pour but de récréer le monde, n'est pas illicite en elle-même, ceux qui l'exercent, en gardant les règles de l'honnêteté dans leurs paroles et leurs actions, ne sont pas en état de péché. Il est permis de subvenir à leur entretien dans l'emploi qu'ils exercent, mais on pécherait si l'on payait ceux qui n'observent point la décence. Saint Antonin, Saint Alphonse de Ligorie, Saint François de Sales, dit Monseigneur le cardinal Gousset dans sa théologie morale, s'exprime comme Saint Thomas. On voit que ces saints docteurs ne croyaient point que les acteurs, les comédiens fussent excommuniés. En effet, il n'existe aucune loi générale qui proscrive cette profession sous peine d'excommunication. Le canon du Concile d'Arles, de l'an 314 est un règlement particulier. D'ailleurs, il n'est pas certain que ce décret, qui était dirigé contre ceux qui prenaient part au spectacle des païens, soit applicable aux acteurs du Moyen Âge ou aux acteurs des temps modernes, et il n'est guère plus certain qu'il s'agisse ici d'une excommunication à encourir par le fait, ipso facto. Cependant, il est vrai qu'en France les comédiens étaient autrefois regardés comme excommuniés. Mais Pontas s'est trompé en disant, tout le monde sait que les pasteurs dénoncent publiquement, tous les dimanches, au prône des messes de paroisse, les comédiens pour des gens excommuniés, car la formule du prône, dans la plupart des rituels de France, ne fait point mention de cette excommunication. Quoi qu'il en soit, comme il s'agit d'un point de discipline particulier à la France, qui dépend de l'ordinaire pour ce qui regarde son diocèse, et que la plupart de nos seigneurs les évêques ne paraissent pas y tenir, à en juger du moins par la réserve ou le silence qu'ils gardent à cet égard, nous pensons qu'il est tombé en désuétude. Fin de la note. 4. Peut-il y avoir quelque péché à s'abstenir de tous les jeux? La raison défend d'être à charge aux autres, soit en ne se montrant pas agréable, soit en empêchant leur plaisir. Conduisez-vous avec sagesse, disait Sénèque, de façon à ne paraître ni rude, ni vil. Ne point vouloir prendre part au jeu, ne dire aucune plaisanterie, blesser le prochain en repoussant les divertissements honnêtes et modérés, c'est un vice qui attire à juste titre la qualification d'impoli et de grossier. Toutefois, comme le jeu n'est utile que pour le délassement de l'âme, la privation en est plus excusable que l'excès. Il suffit, dit le philosophe, d'un petit nombre d'amis pour se récréer, les plaisirs sont dans la vie ce qu'est le sel dans les aliments, il n'en faut pas beaucoup. Note. Voici, à ce sujet, les avis que donnait Fénelon à une personne de la cour, vous ne devez point, ce me semble, vous embarrasser sur les divertissements où vous ne pouvez éviter de prendre part. Il y a bien des gens qui veulent qu'on gémisse de tout et qu'on se gêne continuellement en excitant en soi le dégoût des amusements auxquels on est assujetti. Pour moi, j'avoue que je ne saurais m'accommoder de cette rigidité. J'aime mieux quelque chose de plus simple, et je crois que Dieu même l'aime beaucoup mieux. Quand les divertissements sont innocents en eux-mêmes et qu'on y entre par les règles de l'État où la Providence nous met, alors je crois qu'il suffit d'y prendre part avec modération et dans la vue de Dieu. Des manières plus sèches, plus réservées, moins complaisantes et moins ouvertes, ne serviraient qu'à donner une fausse idée de la piété aux gens du monde, qui ne sont déjà que trop préoccupés contre elle, et qui croiraient qu'on ne peut servir Dieu que par une vie sombre et chagrine. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.